Chapitre 39e. La vie de Fairview avait repris son cours habituel. Toutefois, les rapports entre le père et la fille n'étaient plus les mêmes. Sir Everard passait presque tout son temps enfermé dans ses appartements, et Dulcine ne le voyait plus guère qu'aux heures des repas. Toujours souffrant, il était allé de réchef consulter une des célébrités médicales de Londres. On lui avait conseillé la distraction, les voyages. Les malades, à entendre l'homme de l'art, ne disent jamais tout à leur médecin, dont le principal talent consiste à deviner ce que leurs patients veulent cacher. « Pour moi, avait ajouté le docteur de Sir Everard, il est évident qu'un profond chagrin vous mine. Dans de telles conditions, votre seule chance de salut est de vous arracher à vous-même. » Dulcie appréciait de plus en plus l'aimable voisinage de Blatchmardean. Lady Frances avait promis à Sir Everard d'être pour elle une sœur et une amie et n'avait point failli à sa promesse. Elle venait rendre visite deux ou trois fois par semaine à Dulcie, qui n'était pas non plus en retard de politesse avec son aimable voisine. La visite des pauvres et l'école absorbaient la majeure partie du temps que Dulcie ne passait pas avec Lady Frances. De même qu'à chaque brebis Dieu mesure le vent, de même à ceux qui n'ont ni joie ni espérance, il donne la suprême consolation du dévouement. Le nouveau recteur, qui avait tout de suite compris la généreuse nature de Dulcie, faisait sans cesse appel à sa charité, soit pour aller visiter ses malades, soit pour distribuer des aumônes, soit pour porter une bonne parole aux vieillards, un conseil aux jeunes mères et un baiser aux enfants. M. Haldimond était toujours le bienvenu à Fairview. Non seulement Dulcie, mais aussi le baronnet, lui faisait le plus cordial accueil. La main vigoureuse d'un homme aussi zélé que M. Haldimond semblait avoir galvanisé tout Oathorpe. Dulcie se félicitait de la sympathie de Sir Everard pour le recteur, se disant « Peut-être ce dernier finira-t-il par découvrir un baume pour le cœur ulcéré de mon père, comme il en a découvert un pour moi dans l'exercice de la charité. » Dulcie rencontra Miss Blake au village. En proie à un grand embarras, elle se sentit rougir et ne savait que dire. Mais la châtelaine Tingley, se rapprochant vivement d'elle, lui prit affectueusement les deux mains et lui adressa la parole en ces termes. « Comment, Dulcie, vous alliez passer à côté de moi sans vous arrêter ?»« J'étais très perplexe. Je craignais que vous ne fussiez fâchée, » balbutia-t-elle. « Non, ma chère enfant, j'apprécie trop les nobles qualités de votre nature pour vous en vouloir jamais du tour que les choses ont pris. Je ne puis blâmer une fille de sa soumission implicite aux volontés de son père. » « Que vous êtes bonne, Miss Blake. Vous plaignez et comprenez tout le monde. Je serai heureuse de savoir Clémentine et Horatia aussi bien disposées en ma faveur. » « Non, elles ne le sont pas, chère enfant, tant s'en faut. Et cela tient surtout, j'imagine, au regret qu'elles éprouvent d'être privées de votre charmante société. Moi aussi, chère Dulcie, je désirais vivement aller vous voir, mais votre père pourrait croire que je veux vous faire revenir sur votre décision. Et la prudence m'ordonne de m'imposer cette privation. » Dulcie sentait au fond du cœur que Miss Blake avait raison. « Croyez, reprit-elle avec émotion, que tous les regrets sont pour moi, car après mon père, je n'aime personne au monde plus que vous. Le plaisir de vous voir m'a fait du bien. La certitude que vous ne me gardez pas rancune m'est une si précieuse consolation. » Après avoir échangé une chaleureuse poignée de main, les deux nobles femmes se séparèrent, le cœur plus léger. Dulcie retrouva à Fairview Lady Frances, Lord Beville, M. Haldimond. Sir Everard les retint à dîner, et chacun fut charmé de l'entrain inaccoutumé de leur jeune hôtesse. En la voyant si souriante, le recteur se prit à regretter que Morton ne fût pas à 100 lieues de Tingley. Quant à Beville, il déclara à sa sœur que tous ses frais pour Dulcie étaient peine perdue et que le nouveau recteur avait bien plus de chances que lui de l'intéresser d'abord et de lui plaire ensuite. Lady Frances se promit d'avertir Sir Everard du danger, et saisissant la première occasion qui lui en fut offerte, elle fit part de ses craintes à son hôte, l'adjurant de se tenir en garde contre l'ennemi. « Vous savez à quel point j'ai désiré que votre frère épouse à ma fille. Son caractère loyal, sa nature franche, me semblait offrir à Dulcie les plus sérieuses garanties de bonheur. Il ne m'eût pas été indifférent non plus, je l'avoue, de la voir devenir comtesse de Blatchmardean, et de me dire que ma fortune relèverait un jour celle d'une noble famille. Mais si tout ce que j'ai rêvé pour elle ne lui plaît pas, je renonce à jamais à ses projets. Si doucement caressé qu'il l'ait été par moi, ce que je veux avant tout, c'est qu'elle soit heureuse. Et s'il préférait tout simplement la femme d'un recteur, je me soumettrais à sa volonté. » « Vous n'avez pas été si accommodant lorsqu'il s'agissait de Morton, » riposta Lady Frances d'un ton froissé. Sir Everard lui lança un regard sévère. « Je crois vous avoir dit il y a quelque temps que j'avais des raisons personnelles pour agir comme je l'ai fait et qu'il ne me plaisait pas qu'on revînt sur le passé. » Lady Frances, sentant qu'elle était allée trop loin, battit prudemment en retraite. Sir Everard n'était plus à s'apercevoir que M. Haldimond avait toutes les sympathies de Dulcie, et loin de vouloir faire violence aux sentiments de sa fille en lui imposant Lord Beville pour mari, son plus grand désir, après avoir demandé un premier sacrifice au cœur de Dulcie, c'était d'y voir poindre une flamme qu'il pût encourager, un amour qu'il pût bénir.